Plus une ombre sur la place, il est minuit et quart. Le gel rapproche les réverbères, en fait une lumière noire. L'artiste butine le trottoir en vie de mauvaise vie. La nuit s'allonge, les songes plongent dans vie. Promène ma caméra sur le...